Lettre 78e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, mars 303. La lettre que Constantin t'a écrite de ma part t'aura instruit, cher Phocion, de tout ce qui m'est arrivé. J'ai vu de bien près la mort, et c'était avec plaisir. J'étais loin de prévoir le bonheur que la divine providence me réservait. Je consacre le premier moment de ma convalescence à te faire part de l'événement surnaturel qui va me faire bénir à chaque instant mon existence. Larissa vit, Larissa est à moi, elle est libre, et dans peu de jours, les sentiments qui nous ont animés depuis notre enfance seront bénis et légitimés par l'auguste cérémonie du mariage. Je t'envoie une relation écrite de sa main, de la manière dont elle est échappée à la mort et à l'esclavage, et les motifs qui l'engagèrent à se cacher pendant 6 mois. Oh, Phocion, quelle âme, quelle douceur angélique, quelle noblesse dans sa conduite, quel courage dans l'adversité, que d'amour et de fidélité dans son cœur. Elle est à moi, à présent, elle m'appartient. Et mon devoir le plus sacré est de chérir, de conserver cet être intéressant qui, depuis son existence, s'est voué à m'aimer, quoique ce sentiment ne fût pour elle qu'une source de chagrin. Mais actuellement, il la rendra la plus heureuse des femmes. Je pourrais la protéger, la garantir de toute peine, embellir sa vie. Juge combien la mienne m'est devenue chère et précieuse depuis qu'elle appartient à Larissa. Elle finit la relation qu'elle a faite pour toi par le touchant détail du moment de notre réunion. Je ne répéterai pas tout ce que j'éprouvais, d'ailleurs cela me serait impossible. Mais ce qu'elle n'a pu te dire, c'est la délicatesse avec laquelle Constantin me prépara par degrés à ce bonheur, d'abord en me disant qu'elle vivait, qu'elle était libre, qu'elle m'aimait encore, et enfin qu'elle était près de moi. J'étais trop faible pour soutenir une émotion aussi vive, je perdis connaissance. Revenu à moi, je crus avoir fait un rêve, car je ne voyais pas encore Larissa. On craignait pour moi cette entrevue. Oh, quelle fausse crainte! Était-il possible que la meilleure partie de moi-même, dont j'étais séparé depuis si longtemps avec un si grand désespoir, pût me faire du mal? Ah, bien au contraire! En la voyant, un baume délicieux sembla circuler dans mes veines. Je lui tendis les bras, mais elle ne vint pas s'y jeter. Embarrassée, tremblante, elle n'osait avancer. Phocion, Larissa doutait de ma fidélité. Elle aussi craignait de se montrer et pensait que je la retrouverais avec peine. Pensée cruelle, affreuse, qui empoisonnait le plus doux moment de notre vie. Je l'appelais, et le son de ma voix, le seul nom de Larissa, prononcé par son ami, eut un effet magique. Tout ce que l'erreur et la méchanceté avaient mis entre nous disparut. 1000 serments ne l'eussent pas mieux rassurée. Elle tomba sur mon cœur, nos yeux parlèrent, nos cœurs s'entendirent, et le doute s'anéantit pour jamais. Comme les êtres qui jouissent de la béatitude céleste, nous n'avions nul besoin de paroles pour nous comprendre. Elles eussent exprimé trop faiblement nos sensations. Chacun de nous trouvait en lui-même ce qui se passait dans l'autre cœur. Elle est à moi dans toute la force et le sens de cette expression, et je suis le plus heureux des hommes. Le bonheur m'a rendu la santé. Peu de jours après, je pus quitter ma chambre. Elle aussi me donna une fête, telle que le plus tendre amour put l'inventer. La chambre où elle me conduisit est de plein pied avec le jardin. Elle était ornée de toutes les fleurs du printemps, dont le doux parfum me redonnait une nouvelle vie, et quelle vie de félicité! L'air suave du jardin et les rayons adoucis du soleil pénétraient dans la chambre au travers de rideaux d'une étoffe légère et transparente. Un lit de repos était préparé pour le convalescent faible encore, dans une place où l'air pur du printemps venait ranimer ses forces, où il pouvait entendre le gazouillement des oiseaux se jouant dans les bosquets et le murmure d'une fontaine. C'est, appuyé sur le bras de Larissa, que je fus conduit dans cette chambre, où je trouvai Constantin qui m'attendait. C'est entre ce parfait ami et une amante chérie que je passai des heures délicieuses. Image du bonheur qui m'attend dans une union formée sur tout ce qui doit en prolonger le charme jusqu'au tombeau. Rapport de goût et d'opinion, confiance illimitée, certitude de ma part d'être aimé comme jamais homme ne l'a été. Jamais aucun homme que son Agathoclès n'a fait battre son cœur. Il est à moi ce cœur, tellement que je suis convaincu qu'il ne m'en coûterait qu'un mot, un signe, une allusion, pour l'engager au plus grand sacrifice. Mais la certitude de mon pouvoir absolu sur elle me fait un devoir de n'en pas abuser et d'éviter tout ce qui pourrait le moins du monde altérer sa tranquillité. Cette douce obligation de mon côté et du sien, l'abandon entier de toutes les facultés de son âme, de la volonté de tout son être, doit produire un bonheur que l'esprit le plus transcendant, la beauté la plus accomplie, la passion la plus brûlante ne me donnerait pas. Mais Larissa est belle aussi, belle sans le savoir, sans y prétendre, et ce n'est pas seulement à mes yeux prévenus. Constantin assure n'avoir jamais rencontré de femme dont l'impression pût être aussi durable, parce que ce n'est que peu à peu que son charme se développe et qu'on sent un attrait indéfinissable. Je lui avais témoigné le désir de l'avoir vêtue autrement que dans le triste costume des veuves de cette maison. Le jour de ma première sortie, après m'avoir placé près de mon amie, elle nous quitta un instant et revint bientôt mise avec autant de goût que de noblesse. Une longue tunique de laine blanche très fine se dessinait autour d'elle en plis ondoyants. Elle était rattachée par une écharpe en or qui faisait ressortir la grâce et la beauté remarquable de sa taille. Des bracelets d'or ornaient ses bras, blancs comme le lys. Sur sa tête, elle n'avait qu'un voile blanc fixé par une épingle en or au-dessus de son front et retombant de côté jusqu'à terre en suivant tous ses mouvements. Je ne puis te dire combien elle avait de grâce sous ce costume. En s'avançant au milieu des arbustes en fleurs, le plaisir et l'amour répandaient sur ses joues un coloris modeste. Ses yeux, les plus beaux, j'en suis sûr, qui aient jamais existé, brillaient d'un éclat nouveau. En même temps qu'ils exprimaient le calme, le bonheur, la paix d'une âme contente, je ne pouvais me lasser de la regarder, non pas avec cette fièvre tumultueuse qui ressemble au délire, mais avec le sentiment le plus tendre et le plus doux. Mon père n'est point adouci, il n'a point retiré sa malédiction, et la sensible Larissa craint de former notre union sous ses tristes auspices. Je ferai tout pour la tranquilliser. Dès que je pourrai sortir de la maison, je me rendrai auprès de mon père, et s'il a conservé dans son cœur une seule étincelle d'amour paternel, je veux la chercher et la rallumer. Ce que je n'aurais pas fait pour moi, je le ferai pour ma Théophanie. Sans doute, la seule idée de sa malédiction me fait frémir. Je tremblais lorsqu'il prononça ce mot, terrible dans la bouche d'un père, mais sans en redouter l'effet. Ma conscience me donnait la certitude que je ne le méritais pas, quand des devoirs plus sacrés faisaient taire ceux de fils. À présent, un autre devoir m'ordonne de tout tenter pour ramener mon père, tout, excepté le sacrifice d'une religion pour laquelle, s'il le fallait, je renoncerais à la vie, et ce qui est bien plus encore, à Larissa. Mais elle nous réunit au contraire et nous prescrit le doux et sacré devoir d'une éternelle fidélité. Après avoir renoué, s'il est possible, mes relations paternelles et filiales, il m'en reste une à détruire, c'est celle qui s'est établie entre Calpurny et moi. J'ai fait ce qui a dépendu de moi pour éviter le danger d'une liaison trop intime avec une personne aussi séduisante, et j'en bénis le ciel à présent. Jamais je n'ai encouragé par un seul mot la préférence flatteuse qu'elle semblait m'accorder. Mais je n'ai pas toujours été le maître de lui cacher l'impression que sa beauté peu commune produisait sur mes sens. Dernièrement encore, un trouble, une émotion involontaire et très vive ont pu lui persuader qu'elle était aimée. Mais pour l'être, il faudrait qu'elle-même pût aimer, et je crois qu'elle en est incapable, excepté cependant d'amitié. Elle en ressent une bien sincère pour Sulpicie. Je crois aussi à la sienne pour moi, et je la paye de toute la puissance. Mais l'amour, tel que je le sens, et que je le trouve dans le cœur de Larissa, ne peut trouver de place dans un caractère aussi léger que celui de Calpurny. Il est ouvert à chaque impression nouvelle, à chaque caprice. Tout ce qui est extraordinaire et rompt l'uniformité de la vie a le droit de l'émouvoir et de l'entraîner à des inconséquences que la passion la plus violente pourrait seule excuser. Dès le premier jour que je fus transporté ici, elle vint me voir sous le nom et l'habit d'un esclave. Son apparition me remplit d'abord d'effroi, puis ensuite l'idée qu'elle s'exposait pour moi à un tel danger me pénétra d'une tendre reconnaissance. Mais sa gaieté, son étourderie, l'espèce de coquetterie qu'elle mettait sous son déguisement me prouvèrent bientôt qu'elle n'était entraînée que par le désir de faire effet ou de paraître plus belle encore sous un habit qui lui essayait à ravir. Ses cheveux noirs et bouclés retombaient sur son charmant visage. Dans un désordre rempli d'art, son vêtement étroit marquait des formes enchanteresses. Il était facile de voir qu'elle s'en était occupée et que la vanité, plus que la modestie, en était satisfaite. Une femme conduite seulement par l'amour n'y aurait pas songé. Elle n'aurait vu que l'objet aimé, que son danger, et la vanité, la coquetterie et la gaieté auraient été étouffées par ses craintes. Mais Calpurnie n'aime qu'elle, et les autres seulement en raison du plaisir qu'elle peut en recevoir, ou de l'effet singulier qui peut en résulter. Une idée sérieuse, un sentiment exalté ne peuvent entrer dans son âme. 100 fois je l'ai vue ainsi. Je l'ai retrouvée telle dans cette occasion, et le pouvoir de ses charmes n'a été que momentané. J'ai prié Constantin d'aller chez elle et de lui raconter que j'ai retrouvé ma Larissa. Je ne l'ai pas revue depuis, et je suis dans l'attente pénible de savoir ce qu'il a retenu et comment elle recevra cette nouvelle. Ma main est fatiguée. À peine puis-je encore tenir le crayon. Je te quitte. Mais dès que je pourrai écrire plus facilement, je reviendrai à toi. Adieu, mon ami.